Archidelègue, il n'y a pas beaucoup de traces écrites qui en parlent, donc c'est plutôt de la tradition orale. Et les noms de lieux dans l'Aigle, si vous vous promenez dans l'Aigle, vous allez découvrir que les places portent les noms du marché. Il y a la place du marché aux chevaux, la place du marché aux poissons. Il y a aussi une place qui a été transformée, mais qui s'appelait le champ de foire, sur lequel se tenait le marché. Donc le marché de l'Aigle, il existe depuis le Moyen-Âge, comme dans toutes les villes commerçantes, et l'Aigle en est une. On peut imaginer, puisque rien n'est sûr, que ça se tenait tout près de l'église Saint-Martin, puisque la forteresse qui est sur l'emplacement de la mairie actuelle était reliée directement à l'église, et c'était le centre du bourg. Donc le marché devait certainement se tenir à cet endroit-là. On sait uniquement, la seule trace écrite que l'on connaisse du marché, c'est celle de Gabriel Vaugeois, qui a écrit l'histoire de l'Aigle et qui raconte qu'au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait des nuits brumeuses, la cloche de l'église, Saint-Martin, qui s'appelle la Portienne, on la faisait sonner pour diriger les chalands qui arrivaient de la campagne et qui rentraient dans l'Aigle, pour les diriger vers le centre de l'Aigle au moment où ils allaient passer la nuit, avant la nuit du marché, donc la nuit du lundi soir. Sinon, une autre trace écrite, c'est celle de la comtesse de Ségur, qui raconte l'achat de l'âne Cadichon dans les mémoires d'un âne. Donc la première page, c'est l'âne Cadichon qui a été acheté au marché de l'Aigle. Donc ça, c'est la littérature enfantine, mais enfin, tous les aiglons le connaissent, mais même tous les enfants, en tout cas ceux de ma génération. Et voilà, ça, ce sont les deux textes où l'on parle du marché de l'Aigle. À côté de ça, la tradition orale, elle se raconte à travers les lieux, puisque le marché couvrait toute la ville de l'Aigle, encore il n'y a pas très longtemps, puisque la place s'appelle la place de la Halle, celle qui est en contrebas de la rue où nous sommes ici. Place de la Halle, c'était une halle, forcément, c'est un marché. On n'a pas de traces de cette halle, mais on sait qu'il y avait forcément le marché. Et encore pas très longtemps, il y avait le marché aux fleurs qui se situait là. Donc le marché couvrait la ville, puisque il y a encore quelques années, une petite trentaine d'années, le marché aux bestiaux se tenait sur le champ de foire, qui est aujourd'hui la cité administrative. Donc on y vendait de tout. On y vendait bien sûr des moutons, des ânes, des cochons, des vaches, des veaux. Il ne se passait pas un mardi sans qu'un animal s'échappe, donc ça donnait beaucoup d'animation dans la ville. Ça pouvait agrémenter un petit peu la presse d'ailleurs, hein, puisqu'il m'est arrivé de voir sur les petites annonces du journal local que perdu ce mardi un âne, perdu ce mardi un veau. Voilà, donc ce sont des petites anecdotes amusantes concernant le marché. Après, le marché descendait vers donc, la place de la Halle, puis vers la place Saint-Martin, la place Bollandry, la place de l'Europe et encore la place de Verdun où se tient le marché aux fleurs et le marché à la volaille. Il y a encore 2 ans, le marché au bétail existait, mais dans un autre lieu que sur le champ de foire, puisqu'il avait été déplacé vers le Gru qui n'existe plus aujourd'hui, puisque ce genre de marché disparaît petit à petit. Il y a encore quelques années, on pouvait dire que le marché de l'Aigle était le 3e marché de France. Ça aussi, c'est une tradition orale. C'est peut-être une légende, mais enfin, c'était important puisque la population de l'Aigle pouvait doubler le jour de marché. C'est-à-dire qu'on passait à l'époque de 10 000 habitants à 20 000 habitants. Donc, toute cette animation a fait de l'Aigle une ville importante dans la région, puisqu'on y vient tous les mardis, on continue à y venir. Et voilà.